Chapitre 36e. Reviendra-t-il ? Longtemps avant le retour de son oncle et du baronnet, Mary avait déjà appris que Frank était arrivé à Greshamsbury. Depuis une année, elle vivait dans l'ignorance la plus complète sur tout ce qui le concernait, et à son âge, une année paraît bien longue. Viendrait-il la voir en dépit de sa mère ? Lui ferait-il savoir son arrivée ? Ferait-il attention à elle d'aucune manière ? Dans ce cas, que ferait-elle ? Et sinon, que ferait-elle encore ? Il était si difficile de prendre une résolution, si pénible d'être abandonné, si douloureux d'oser souhaiter de ne pas l'être. Son oncle ne pouvait manquer de lui parler de lui quand il reviendrait. Elle s'assit donc et prit un livre dont elle ne lut pas une ligne. Elle s'attendait à voir revenir le docteur et Sir Louis vers 11 heures. Aussi fut-elle bien surprise lorsque la voiture s'arrêta à la porte avant 9 heures. Elle entendit aussitôt la voix de son oncle qui appelait Thomas d'un ton irrité. Malheureusement, Thomas et Brigitte étaient sortis. Indifférents à tous les soucis de ce monde sublunaire, ils étaient assis en paix sous un des hêtres du parc. Janet accourut et trouva Sir Louis, qui, toujours assis dans la voiture, insistait pour qu'on le conduisît immédiatement à Boxall Hill, ne voulant plus, disait-il, se soumettre à la tyrannique surveillance du docteur. L'absence de Thomas obligea le docteur à recourir à l'assistance du cocher. À eux deux, ils réussirent à arracher le baronnet de la voiture. Les glaces de la voiture eurent à en souffrir, ainsi que le chapeau du docteur. On transporta Sir Louis dans la chambre et l'on parvint enfin à le mettre au lit avec le secours de Janet. Le docteur ne le quitta que lorsqu'il fut endormi. Il rejoignit alors sa nièce au salon, mais on peut comprendre qu'il n'était pas d'humeur à parler de Frank Gresham. « Que dois-je faire de lui ? » s'écria-t-il dans son désespoir. « Que dois-je faire de lui ? » « Ne pouvez-vous pas l'envoyer à Boxall Hill, mon oncle ?»« Oui, pour qu'il s'y tue. Au reste, il se tuera partout, il ira. Ah, qu'est-ce que cette famille a fait pour moi ?» Puis, se rappelant soudain quel trésor il devait à cette famille, il saisit Mary dans ses bras et déclara, en la bénissant, qu'en dépit de tout, il était parfaitement heureux. Il ne fut pas question de Frank ce soir-là. Le lendemain matin, le docteur trouva Sir Louis très affaibli. Il demandait avec insistance des stimulants. Il était plus que faible, il était dans une telle prostration d'esprit et en proie à une mélancolie si affreuse que le docteur jugea prudent d'éloigner ses rasoirs de sa portée. « Pour l'amour de Dieu, donnez-moi un petit chasse-café, » dit-il. « J'y suis habitué, demandez à Joey. Vous ne voulez pas me tuer, n'est-ce pas ?» Et le baronnet se mit à pleurer comme un enfant. Lorsque le docteur l'eut quitté pour aller déjeuner, il supplia humblement Janet de lui donner du curaçao qui, disait-il, était dans une de ses malles. Mais Janet se conforma fidèlement aux ordres de son maître. Le docteur lui accorda un demi-verre de vin. Puis, ayant laissé des ordres formels sur le traitement à suivre avec le baronnet, il se rendit auprès de quelques-uns de ses malades, très négligés depuis quelques jours. Lorsque Mary se retrouva seule, ses pensées se portèrent de nouveau vers Frank. Quelle contenance fera-t-elle la première fois qu'elle le verrait ? Elle ne pouvait manquer de le voir. Si elle le rencontrait à la porte de l'église, comme cela lui arrivait si souvent avec Lady Arabella, que ferait-elle ? Lady Arabella lui faisait toujours une légère inclination de tête accompagnée d'un certain petit sourire amer, mais elle passait outre. Essaierait-elle de son côté le sourire amer et la légère inclination de tête avec Frank ? Hélas ! Elle savait qu'il ne lui était pas donné de maîtriser à ce point les émotions de son cœur. C'est ainsi qu'appuyée sur la fenêtre du salon et la tête gracieusement encadrée par les fleurs, elle regardait dans le jardin tout en se laissant aller à ses pensées. « Non, se dit-elle enfin, il ne viendra pas ici. » Elle poussa un profond soupir, s'éloigna de la fenêtre et, se tournant, elle vit tout à coup Frank Gresham lui-même. Il était là, debout devant elle, beau comme Apollon. « Mary, ma bien-aimée, mon amour, chère, bien chère Mary, n'avez-vous pas un mot à me dire ?»« Non. » Elle n'eût pu prononcer un seul mot, eût-il dû lui en coûter la vie. C'était déjà assez pour elle d'avoir à retenir ses larmes. Tels étaient le sourire et la légère inclination de tête auxquels devait se borner désormais leur relation. Telle était l'entrevue qui devait témoigner de son empire sur elle-même. Non, le moment d'après, Frank la tenait pressée sur son cœur. Elle pouvait en entendre les battements précipités. Il en aime une autre, avait dit Béatrice. « Il ne m'aime plus !» avait dit son propre cœur. Telle était sa réponse à lui. « Pas un mot, Mary. Après tous mes rêves, après toute ma patience, vous ne m'aimez pas, enfin !»« Franck !» dit-elle, mais incapable de continuer, elle se tut. « Parlez franchement, Mary, franchement. Je vous ai déjà offert ma main. La voici encore. Voulez-vous l'accepter ?» Mary restait muette. « Mary, reprit Franck, si vous l'acceptez, elle sera à vous de la bonne comme de la mauvaise fortune. Nous pouvons éprouver des difficultés, mais si vous m'aimez, nous les surmonterons ensemble. Je suis libre, libre de disposer de moi. Voici ma main. Voulez-vous l'accepter ?» Mary baissa les yeux, leva lentement la main, et la laissa retomber, puis la levant encore, elle la mit dans celle de Franck. Il l'étreignit avec force. « Bien, vous êtes à moi, » dit-il, « et personne ne nous séparera. Ma bien-aimée Mary, ma femme !»« Franck, n'est-ce pas imprudent ? N'avons-nous pas tort ?»« Imprudent ? Je suis là, de prudence. Quant à savoir si nous avons tort, je dis que non, du moment que nous nous aimons. Et vous m'aimez, n'est-ce pas, Mary ? Répondez-moi. » « Oui, Franck, je vous aime. » « Et si cela seul suffisait, vous n'auriez aucun motif de vous alarmer. »« Je n'en ai aucun. »« Mais votre père, Franck, et mon oncle ?»« Je ne pourrais jamais me décider à faire quelque chose qui leur causa de la peine. » Franck essayait alors de rassurer Mary en lui parlant de ses projets. « Il embrasserait une profession quelconque ou ferait plutôt valoir une ferme. »« Il l'attendrait, c'est-à-dire quelques mois. »« Quelques mois, Franck ?»« Oui, peut-être 6. »« Franck ?» Mais Franck ne voulut pas être interrompu. Il ferait tout ce que son père lui demanderait, tout, à l'exception d'une seule chose, il ne renoncerait jamais à la femme de son choix. Ce ne serait ni raisonnable, ni juste d'exiger de lui ce sacrifice. Mary n'avait aucun argument à lui opposer. Elle ne pouvait que laisser sa main dans celle de Franck et se dire qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse depuis le jour de sa promenade à Anne à Boxall Hill. « Mais Mary, dit Franck en prenant un air grave, « soyons fidèles l'un à l'autre et montrons de la fermeté. Rien de ce qu'on pourra me dire ne me fera renoncer à vous. Voulez-vous en promettre autant ?» Elle réfléchit un instant avant de lui répondre, mais elle ne pouvait pas faire moins pour lui qu'il ne faisait pour elle. « Oui, dit-elle d'une voix douce et calme, je serai ferme et rien ne pourra m'ébranler. Mais Franck, ce ne peut être de si tôt. » Nous ferons grâce au lecteur de la suite de cette entrevue. Il suffit de dire que Mary conseilla 3 fois à Franck de s'en aller avant qu'il pût s'y décider. Elle fut enfin obligée de le conduire vers la porte. « Vous êtes bien pressé de vous débarrasser de moi ?» lui dit-il. « Vous êtes resté plus de 2 heures. Il faut partir maintenant. Que pensera-t-on » Quoiqu'il eût tant de peine à s'éloigner de Mary, Franck avait cependant bien des choses à faire et il s'en occupa immédiatement. Son amour ne l'empêchait pas de songer à ses autres affaires. Il allait avoir son ami Harry Baker et le haras de son ami. Harry s'était chargé de veiller sur le cheval noir pendant l'absence de Franck, et celui-ci avait à s'informer des faits et gestes de ce précieux animal. Puis il lui fallait aussi visiter le chenil et la meute, et, chose d'importance secondaire, le maître de la meute. Tout cela ne pouvait être fait le même jour, mais il fallait s'entendre à ce sujet avec Harry Baker. En quittant sa fiancée, Franck s'occupa de toutes ces choses avec autant d'empressement que s'il n'eût pas été amoureux, avec autant d'ardeur que s'il n'eût pas parlé d'embrasser une profession qui devait nécessairement le séparer des chiens et des chevaux. Mais Mary resta assise devant sa fenêtre, ne pensant qu'à son amour. Son livre était mis de côté auprès d'elle. Le soleil était à son méridien quand Franck l'avait quitté, et les rayons du couchant éclairaient déjà obliquement la chambre avant qu'elle eût songé à se lever. Sa première pensée, le matin, avait été de se demander « reviendra-t-il ?» Sa dernière était maintenant plus consolante, bien qu'un peu troublée par la crainte des difficultés à venir. Le premier bruit qu'elle entendit fut le bruit des pas de son oncle qui montait 3 à 3 les marches de l'escalier. « Quelle chaleur ardente » dit-il en se jetant dans un fauteuil. « Ah ! » dit-il, après avoir bu à l'entrée un verre d'orangeade. « Je suis mieux maintenant. »« Eh bien, quelle nouvelle ?»« Vous êtes sorti, mon oncle. C'est vous qui devez en avoir. Comment se porte Mrs. Green ?»« Aussi mal que l'ennui et la solitude peuvent le permettre. »« Et Mrs. Oakenrath ?»« Elle va mieux, parce qu'elle a 10 enfants à surveiller et des jumeaux à nourrir. »« Qu'a-t-il fait, lui ? » ?»« et le docteur fit un signe de la main dans la direction de la chambre occupée par Sir Louis. La conscience de Mary lui rappela tout à coup qu'elle avait complètement oublié la présence du baronnet dans la maison. « Je ne pense pas qu'il ait fait grand-chose, » dit-elle. « Janet ne l'a pas quitté. » A-t-il bu ?« En vérité, mon oncle, je n'en sais rien. » « Je ne pense pas, puisque Janet est restée avec lui. Mais mon oncle... »« Eh bien, ma chérie. »« Mais attendez, donnez-moi encore un peu de limonade. » Mary emplit le verre de son oncle et elle le lui présenta en lui disant « Frank Gresham est venu ici aujourd'hui. » Le docteur vida son verre et le posa sur la table avant de répondre « Ah, Frank Gresham ?»« Oui, mon oncle. » »« L'avez-vous trouvé bien ?»« Oui, il est très bien, je crois. » Le docteur n'avait rien à ajouter. Il se leva donc et se rendit auprès de Sir Louis. « S'il me désapprouve, pourquoi ne me le dit-il pas franchement ?» se demanda Mary. « Pourquoi ne me donne-t-il pas de conseils ?» Mais il n'était pas facile au docteur de donner des conseils à sa nièce quand Sir Louis était dans un pareil état.